butterfly, dragonfly. You know what I mean? Oh, dragonfly. Ressent ici et maintenant. Sensations, les émotions nous traversent sensiblement. Dur face aux images. ne plus attendre, ne plus espérer, ne plus se laisser distraire, désarçonner. Faire effraction. Croire à ce que nous sentons. Agir en conséquence. S'acharner, attaquer, bâtir, vaincre, peut-être. Ni la terreur politique, ni la misère affective, ni la stérilité universelle. Le désert. Devant l'évidence de la catastrophe, il y a ceux qui s'indignent, ceux qui prennent acte. Ceux qui dénoncent, ceux qui s'organisent, ceux qui dénoncent, ceux qui s'organisent. Côté de ceux qui s'organisent, du côté de ceux qui s'organisent, du côté de ceux. No wait, no hope. Do effraction. Your head in my hand, in your head. Jules.